La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Auriez-vous bien voulu vouloir, ou avez-vous vraiment voulu? N'avez-vous rien voulu savoir, ou n'avez-vous vraiment rien su? Avez-vous cru devoir pouvoir, ou n'avez-vous vraiment rien pu? Vous avez bien cru vous y croire, mais on vous a bouffé tout cru. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. La vie, savez-vous, n'est pas longue et à faire les choses à moitié. On la traverse à peine et on voit qu'on est passé à côté. Sans être face à soi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Alors, il est midi, ce vendredi... Samedi 15 novembre 2025, vous vous préparez à écouter sur les 106.6 MHz de Radio Campus, mais aussi sur campuslille.com et DAD+, Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui pour vous servir, Didier, Morgane, Quentin et moi-même aux manettes. Et donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh ben, on va parler des associations avec Antonio Delfini. Qui... Bonjour Antonio. Donc, Antonio Delfini qui est docteur en sociologie, qui travaille aussi avec l'Université de Lille par l'intermédiaire du CRERAPS. Il a beaucoup travaillé sur les luttes urbaines et notamment le rôle démocratique des associations. Il fait partie aussi de l'APU, l'atelier populaire d'urbanisme de Lille. Et il a notamment participé à des mobilisations comme par exemple à l'Almagar. C'est quelqu'un qui donc fait partie de l'Observatoire des libertés associatives. Et en tant que sociologue, il a quand même publié quelques livres, dont « Sociologie de Lille » par le groupe de Jeter, ainsi que « Le contre-Ra Lille » et aussi « L'État contre les associations ». Voilà, donc on va parler des associations essentiellement, donc sans revenir sur les lois de 1901, les lois de juillet-août 1901, donc... associations qui veulent dire groupement de personnes, normalement à but non lucratif, et dans une liberté contractuelle définie, avec les statuts, les pouvoirs et aussi les déclarations normalement en préfecture. Et on en vient au 11 octobre, donc il y avait une manifestation qui s'appelle « Ça ne tient plus » à Lille, avec une manifestation régionale qui avait quand même réuni 5 à 6 000 personnes sur justement les budgets, les licenciements. On sait le poids des associations sur la démocratie, les libertés, le lien social, mais aussi sur parfois substitut aux services publics et aux services sociaux. Et donc, je vais laisser la parole à Morgane pour nous parler un peu des... Oui, Didier. Antonio, est-ce que tu es là ? Oui, je suis là. Ah, super. Merci. Donc, on va laisser la parole à Morgane maintenant pour la partie un peu chiffres qu'on a pu trouver dans la presse. Oui. Alors, on va commencer par les chiffres qui ont été donnés par le journal L'Humanité sur 1 milliard d'euros qui seraient retirés au milieu associatif. Est-ce que ça s'est bien confirmé, en fait ? Antonio, ouais. Ouais. En tout cas, les projets de loi de finances successifs là qui ont été présentés font état de coupes drastiques en fait pour le monde associatif. Alors je ne sais pas si tout est encore stabilisé et si les chiffres peuvent être complètement arrêtés, mais en tout cas c'est assez dramatique en fait pour les associations. Donc là, compliqué pour moi de confirmer ce chiffre-là, mais en tout cas, la situation est vraiment dramatique. Et effectivement, comme le disait Didier, ce témoignage, on a pu le voir avec la mobilisation assez inédite en fait des associations le 11 octobre dernier. On n'avait jamais vu en fait autant de d'associations dans la rue et un mouvement de cette ampleur-là. Et donc ça signifie bien que la situation est grave. Ouais. Donc entre l'inflation qui est enfin les budgets qui n'ont pas toujours été revalorisés à l'inflation et l'ampleur des coupes dont il est question, voilà, on peut pas forcément verrouiller des chiffres, mais on sent qu'il y a vraiment un mouvement. Par exemple, est-ce que votre propre association, les associations dans lesquelles vous collaborez, elles sont impactées par ces coupes budgétaires? Bah oui, alors beaucoup d'associations qu'on accompagne, donc nous on y viendra sans doute par la suite. Nous on travaille plus spécifiquement sur la question des atteintes et des attaques contre les libertés associatives et donc contre des associations ciblées en raison de prise de position, d'organisation d'événements, de manifestations, de pétitions. Mais on a une pression plus générale en réalité sur les assos et dont on voit bien que oui, là les chiffres qui étaient donnés par le mouvement associatif, c'était 30% des associations qui ont des très grosses difficultés de trésorerie et pour voir les mois arriver, les mois prochains, des situations assez dramatiques. Et ça, nous, on le voit ne serait-ce qu'à Lille. Didier l'a dit, moi, je fais partie du tissu associatif lillois. En fait, autour de nous, sur les questions de droit au logement, sur des questions d'accompagnement à la précarité, toutes les assos font état de baisse de financement. À titre d'exemple, donc au sein de l'atelier populaire d'urbanisme du Vieux-Lille, nous on s'est vu couper il y a 2 ans tous les financements du département du Nord, qui était historiquement l'institution qui accompagnait sur les questions de social, de précarité. Et ça, c'est des coûts très très durs et qui impactent très fortement les trésoreries associatives. Quand on parle d'associations, on va pas faire une typologie complète du tissu associatif, mais bon, il y a aussi bien les associations populaires, citoyennes, les associations de lutte, les associations sportives, les associations paramédicales ou parasociales. Enfin, je sais pas, toi, tu es plus concerné dans tes activités par les associations de lutte, je suppose. Oui, c'est ça, mais en même temps, comme tu l'as dit, l'énumération, là, elle est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais quasiment, je pense que toute personne qui vit en France, quasiment au quotidien et au contact d'associations, parce que les associations, elles interviennent dans tous les domaines, voilà, de génération, de la vieillesse à la petite enfance, de sport, de culture, de social. Et les assos, c'est 1,5 million d'associations en France. On a un tissu associatif qui est hyper riche, hyper nombreux. C'est 1,8 million de salariés. Ça, faut l'avoir en tête aussi. C'est un vrai secteur économique important, en fait. Avec des licenciements qui pourraient avoir lieu, en plus. Exactement. C'est que ces coupures-là et ces baisses structurelles, elles vont entraîner derrière. C'est des plans de licenciement qui sont cachés, en réalité, ces chiffres sur les baisses des subventions. Et c'est 20 millions de bénévoles. Pour se rendre compte un peu de l'ampleur. Et donc, effectivement, après, il y a des associations dans plein de domaines différents. Elles sont toutes impactées aujourd'hui. Il n'y a pas un domaine qui n'est pas impacté. Elles sont toutes impactées. Et elles sont là présentes au quotidien, quoi. Elles font du lien social. Elles permettent que, sur des territoires, il y ait des échanges, il y ait du partage. C'est des opérateurs de services publics. C'est-à-dire que bien souvent, des politiques publiques sont décidées. Et c'est qui les met en place concrètement sur le terrain? C'est les associations. Ouais. Et après, nous, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est que c'est des acteurs démocratiques centraux, en fait, dans la vie politique. Et c'est là-dessus qu'on voudrait insister. Des vrais contre-pouvoirs qu'il faut pouvoir reconnaître. Parce qu'elles ont un vrai rôle politique au sens neuf du terme. Et les coupes sombres, elles vont s'adresser, enfin, elles vont s'effectuer aussi bien sur la LDH qu'une association de pêcheurs à la ligne, que sur tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Ouais, on voit bien que c'est aussi ce rôle social, en fait, des associations qui est assez impacté. Et donc ça s'inscrit un peu dans une dynamique un peu plus générale où, en fait, ces dernières années, ces dernières décennies, l'État s'est désengagé de toute une partie du travail, notamment de l'État social qui était mené directement par l'État, et a délégué ça aux associations. Et donc là, on voit que c'est un moyen, en fait, pour contrôler à distance. On coupe le robinet des subventions et on fait des économies comme ça. Et donc, c'est une nouvelle façon de gérer. Mais donc, on s'est désengagé de tout un tas et beaucoup de au niveau social sur les associations. Et aujourd'hui, on les empêche de mener ce travail-là. D'accord. Oui. Moi, je voudrais revenir sur le contrat d'engagement républicain, en fait, qui est une façon, en fait, très clairement de mettre au pas les associations dans le débat public. Est-ce que tu pourrais revenir dessus et faire un point sur son impact sur les associations, en fait? Oui, bien sûr. Donc moi, je sais plus si ça a été redit, mais donc je fais partie de l'Observatoire des libertés associatives, donc qui est un organisme qui était composé à la fois de chercheurs et de militants associatifs, et qui s'est créé autour de 2019-2020 pour mettre en évidence effectivement que il y avait des atteintes aux libertés associatives, c'est-à-dire que on a ciblé sur les pouvoirs publics et l'État, mais on avait des pouvoirs publics qui coupaient des subventions, retiraient des locaux, engageaient des procès contre des associations en raison de leur positionnement, de ce qu'elles organisaient, des manifestations, des pétitions, des associations qui prenaient position dans le débat public, dans la presse locale par exemple, et qui avaient des sanctions qui arrivaient derrière. Donc ce rapport-là, il a été mis en place, il a été présenté en octobre 2020. Et donc, c'est un rapport qui montrait déjà qu'on avait un phénomène assez lourd, assez massif, un peu là-dessus. Et en réalité, depuis 2020, la situation s'est extrêmement empirée. Et s'est empirée notamment parce que, effectivement, il y a eu la discussion et le vote de la loi séparatisme en 2021. Qui est une loi qui a concerné les associations au moins à deux niveaux. C'est-à-dire le premier, effectivement, elle a mis en place, elle a créé ce contrat d'engagement républicain et elle a étendu, on en parlera peut-être après, les motifs de dissolution des associations. Et donc ce contrat d'engagement républicain, typiquement, donc c'est un contrat qu'aujourd'hui toute association doit remplir et signer pour pouvoir avoir une subvention publique et qui engage l'association à respecter sept principes qui... a priori, sont des principes assez consensuels. Les associations doivent respecter la loi, doivent respecter l'ordre public, mais qui sont formulés d'une manière où assez floue, qui permet en fait au pouvoir public un grand spectre de d'application. Et donc, ce contrat d'engagement républicain qui avait été justifié au Parlement pour lutter contre le séparatisme, le communautarisme, l'islamisme, en fait, on voit que depuis 2022, il a été utilisé contre des associations féministes, des associations culturelles, contre des associations de droit au logement, contre des associations antiracistes, et que c'est ces cibles-là, c'est ces associations-là qui ont été effectivement... impacté par ce contrat d'engagement républicain et donc qui permet à l'institution de retirer les subventions. Donc voilà, c'est à un niveau direct. Donc on a quelques associations, dont la PU du Vieux-Lille, qui a subi effectivement une coupure de subvention de la part de la métropole européenne de Lille. Et ça, il faut quand même le rappeler. Donc quelques associations qui sont directement touchées par ce contrat d'engagement républicain, mais en fait plus largement, ce CER. Ce contrat d'engagement républicain, il envoie un message à l'ensemble des associations en disant voilà, il y a des limites en fait à la liberté d'expression, il y a des limites au travail que vous pouvez mener. Et donc, ce qu'on montre nous, c'est qu'il entraîne d'importantes formes d'autocensure de la part des associations et de peur, en fait, de crainte de voir ces subventions touchées. Et donc, ça entraîne, voilà, c'est autant de débats qui sont annulés, autant de manifestations qui ne sont pas mises en place par les associations, parce qu'on craint d'être attaqué. Ouais, concrètement, ça peut être, j'imagine, une association de soutien à la Palestine qui pourrait être taxée d'antisémitisme ou d'antrisme ou que sais-je, en fait. D'islamo-gauchisme. Oui, voilà. Exactement. Alors, dans l'application du CER, là, j'ai pas directement d'assaut palestinienne, mais en fait, l'urgence palestine a été, il y a une procédure de dissolution qui a été engagée contre l'association. D'autres associations de défense du peuple palestinien ont été directement impactés. Et donc, c'est exactement ça. C'est qu'on a des outils, en fait, qui sont assez larges pour pouvoir attaquer ces associations-là au prétexte qu'elles seraient anti-républicaines ou contre la République, quoi. Et donc, la question palestinienne, en fait, elle a fait l'objet, parce que vous venez sur cette thématique-là, et je pense que c'est important, depuis le 7 octobre 2023, les associations palestiniennes ont fait l'objet d'une répression considérable. C'est-à-dire que toutes les formes d'attaques que l'Observatoire a pu identifier ont été utilisées contre le mouvement de défense de la Palestine, que ce soit les interdictions de manifestation, les coupures de subventions, les dissolutions, les procès, les interventions policières. Voilà, donc c'est pas nouveau, hein, cette cause-là, elle est historiquement assez... assez pénalisé, mais là, ces derniers mois, ces dernières années, c'est considérable, en fait, ce qui s'est abattu sur ce secteur du monde associatif. Ce qu'on peut rappeler aussi dans les infos locales, alors j'ai un petit doute sur l'année, mais il me semble que c'était en 2022 où la MRES avait subi un coup de pression sur ses subventions parce qu'ils avaient hébergé une conférence de Stay Grounded qui contestait le chantier de rénovation, extension, entre guillemets, de l'aéroport de Lille. Et comme lors de cet événement, il y avait eu l'évocation de pratiques de désobéissance civile, ça avait suffi, il me semble, au préfet pour menacer la MRES de couper les subventions. Et donc, du coup, oui, il y a aussi les mouvements écologistes et il y a aussi... cette espèce d'attaque par association, c'est-à-dire si vous hébergez une association qui elle ne touche pas de subvention, mais qui peut parler des obéissances civiles, eh bien vous pouvez être aussi concerné par ces menaces. Exactement, on avait à l'époque un préfet, le préfet Leclerc pour ne pas le nommer, qui a été particulièrement proactif sur ces questions de répression d'associations. Il y avait la ministre de l'époque, Sonia Backès, qui était venue faire le bilan des un an de la loi séparatisme ici dans le Nord, en disant que la préfecture du Nord était un modèle sur ces questions de contrôle des associations. Et effectivement, la MRES avait connu ça très directement. On leur avait signifié que les subventions seraient coupées s'ils hébergeaient des associations qui luttaient contre l'extension de l'aéroport de Léquin. Donc ça, c'est tout particulièrement... Et donc ça, c'est une des déclinaisons en fait, locales d'un phénomène qui est effectivement plus large, qui est la criminalisation des associations écologistes. Alors là, on a vu ça de manière particulièrement forte à la suite de la manifestation de Sainte-Soline. Donc, manifestation qui elle-même, en fait, a donné lieu à une répression quand même dramatique. Là, il y a Mediapart Libération qui publiait encore il y a quelques jours des vidéos, en fait, de l'intérieur des forces de l'ordre pour voir ce qui avait été mis en place. Mais en fait, suite même à cette répression très forte au moment de la manifestation, il y a eu énormément d'associations qui ont été mises sur liste noire, qui ont été désubventionnées par les pouvoirs publics parce qu'elles avaient soutenu en fait ce mouvement des soulèvements de la terre. Ils étaient présents à cette manifestation et ça c'est assez c'est vraiment vraiment assez inquiétant et des fois même, et après j'arrête là-dessus, mais des fois même en fait c'est des associations qui n'avaient même pas, en tant qu'association, appelé à rejoindre cette mobilisation ou soutenu cette mobilisation, mais parce que on savait que une des personnes qui travaille au sein de cette association était présente ou soutenait à titre individuel. Et voilà, dans la Creuse, sur le plateau de Millepinches, on a un rapport qui va sortir bientôt de l'Observatoire des libertés associatives, où on voit que dans le cadre des subventions du fonds FDVA, en fait, les renseignements généraux demandent de retirer des associations en fait de ce fonds de la développement de la vie associative parce que des membres de ces associations ont soutenu la lutte contre les méga bassines. Si on voulait résumer succinctement, qu'est-ce que l'État peut faire contre des associations? Parce que là, on a parlé du contrat d'engagement républicain, mais qui concerne principalement des subventions. C'est quoi les autres outils que l'État peut utiliser pour restreindre la liberté associative et empêcher les associations? Dans notre premier rapport dont je parlais tout à l'heure, là, on avait construit une première typologie qu'on a après essayé de mettre au travail en fait, sur différents secteurs du monde associatif. Et donc, on présentait quatre grandes formes d'attaque en réalité contre les associations. Donc toutes celles dont on vient de parler, qui sont maintenant bien connues, qui sont les attaques contre les financements, contre les subventions, ou les retraits de locaux, la privation de locaux aussi, qui peut paraître des fois un peu anecdotique, mais qu'en fait qui est hyper importante pour les associations. Quand on peut plus se réunir, quand on peut plus organiser d'événements publics, et ben on est très directement impacté. Ensuite, la deuxième catégorie qu'il faut mettre en avant aussi, c'est tout ce qui est attaque, alors on appelait ça symbolique, discursive dans le discours. C'est l'exemple fort, et on en parlait juste là, c'est Gérald Darmanin qui qualifie d'éco-terroristes les soulèvements de la Terre. Et c'est généralement des prémices à pouvoir mettre en place d'autres formes d'attaque plus directes. C'est-à-dire que c'est après avoir traité d'éco-terroristes les soulèvements de la Terre que Darmanin a mis en place la dissolution en fait de ce groupe-là, et donc c'était quasiment un préalable en fait à cette mise en place-là. Mais c'est aussi des accusations de communautarisme sur des militants des quartiers populaires, donc voilà, c'est des choses qui sont peut-être plus difficiles à mesurer, mais qui ont des vrais impacts en fait sur les associations et les militants. Après, on dit il n'y a pas de fumée sans feu, mais si on dit ça sur cette personne, c'est que ça doit être bon, bref. Et c'est des gens qui sont mis en dehors de la circulation d'informations, qui sont plus informés des réunions que peuvent organiser les pouvoirs publics. Bref, donc il y a fait cette deuxième catégorie. La troisième, c'est tout ce qui est procès. Donc on a beaucoup d'exemples de procès en diffamation contre des militants et militantes associatives. Des procès qui, des fois, ne vont même pas jusqu'à leur terme, mais juste une institution engage un procès, ce qui fait ça oblige l'association à devoir dégager des ressources en termes d'argent, en termes de temps pour se défendre. C'est très long, c'est très coûteux. Et donc, ça impacte beaucoup le monde associatif. Et après, la quatrième catégorie qu'on avait mis en avant, c'était tout ce qui était attaque physique et policière. Alors, on avait laissé de côté le maintien de l'ordre parce que il y a des observatoires des pratiques policières qui sont mis en place un peu partout, notamment à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, à partir du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, nous, on avait regardé un peu des pratiques plus discrètes, comme des amendes à répétition sur des véhicules, par exemple, pour l'association Utopia 56, qui intervient à Calais, qui vient donner de la nourriture, faire des maraudes, et dont les militants, en fait, étaient systématiquement verbalisés par des forces de l'ordre. Et donc, ils avaient montré un cahier, un classeur entier d'amendes qui arrivait de fait à des sommes vraiment très importantes. Donc voilà, il y a un peu ces quatre catégories-là. Et après, effectivement, tout ce qui est un peu plus législatif, quoi. Ce contrat d'engagement républicain, les mesures de dissolution, où là, on est sur de l'attaque réglementaire, législative, judiciaire. Voilà, du coup, par extension, on peut se poser la question quels pourraient être les outils d'une extrême droite au pouvoir pour s'en prendre aux associations. On peut penser par exemple à Hénin-Beaumont, où les municipalités où l'extrême droite arrive à s'installer. Là, par exemple, à Hénin-Beaumont, où ils mettent des bâtons dans les roues à la Ligue des droits de l'homme, etc. Au théâtre, c'est... Bah, complètement. Nous, c'est un peu... On a été assez sidérés en réalité en voyant la loi séparatisme arriver. Et avec vraiment cette question-là en tête, en fait, en 2021, on dit aujourd'hui, l'extrême droite arriverait au pouvoir en France, elle n'aurait même pas de loi à faire voter ou de dispositif à faire voter spécifique. On lui donne quasiment tous les outils pour pouvoir silencier, faire taire, censurer, en fait, le monde associatif. Et donc voilà, on a vu les résultats assez directement. Mais ce qui est très inquiétant, c'est effectivement ça. Et en plus, effectivement, quand on voit les pratiques du Rassemblement national, quand elle est à la tête de collectivités, principalement de mairies, il y a dans le livre qu'on a écrit avec Julien, il y a tout un passage en fait où on fait un peu le point sur les municipalités et du Nord. À Hénin-Beaumont, on se souvient de l'histoire de l'Escapade, ce théâtre associatif qui a été remunicipalisé, dont la mairie a viré le directeur et a changé toute la programmation. Un théâtre que Steve Briouat, dont Steve Briouat dénonçait, je cite, la daube gauchiste mise en place par l'Escapade. Donc là, ils ont remunicipalisé, ils ont repris en main le théâtre, et il n'y a plus aucune autonomie associative pour le diriger. Mais si on regarde vers les municipalités plutôt du sud de la France, Perpignan, Béziers, toutes ces municipalités-là, on voit qu'il y a voilà, une attaque. Et là, l'extrême droite est fidèle à sa réputation. Elle attaque la culture, les quartiers populaires, les centres sociaux. C'est une fermeture en cascade de centres sociaux, en fait, dans ces villes-là, voilà, qui sont mis en place par le RN. Donc, en fait, ils montrent déjà ce qu'ils font quand ils sont à la manette. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le Rassemblement national montre que c'est un parti qui est anti-association quand elle dirige des collectivités locales. Et en plus, aujourd'hui, on l'a déjà outillé. Si jamais elle devait arriver, le Rassemblement national devrait arriver au pouvoir au niveau national, tous les outils sont quasiment déjà là pour pouvoir mettre en place une politique liberticide. Quand tu parles de Julien, c'est bien entendu Julien Talpin, qui est bien connu du mouvement social, très actif notamment sur la métropole. Mais je vais en venir au financement, enfin plus concrètement sur les histoires de financement, enfin de fonctionnement des associations. On a parlé de l'impact social, on a parlé en anglais c'était les social bonds. Donc c'était un peu la mise en concurrence des associations à travers des présentations de projets, des dossiers. Donc c'était en même temps, il y a concurrence entre les associations entre elles, mais aussi concurrence avec le privé. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de tout ça? Ouais, bah nous, ce qu'on montre, alors c'est un aspect qu'on a moins développé dans l'ouvrage parce qu'on travaillait un peu plus sur cette question de la répression politique et du rôle démocratique qui est empêché, le rôle démocratique des associations qui est empêché. Mais effectivement, aujourd'hui, les associations, elles sont prises entre deux feux. Alors, on résumait ça, la marchandise et la matraque. Il y a un moment où, effectivement, il y a une forme de marchandisation avec des appels à projets, avec des mises en concurrence généralisées, en fait, des associations. Et ça, qui est un phénomène très large. Là, je renvoie à l'Observatoire de la marchandisation qui est mis en place par le collectif des associations citoyennes qui vient de sortir son premier rapport qui est vraiment bien fait là-dessus et qui montre un peu toutes ces déclinaisons en fait de formes de marchandisation du travail associatif, et de l'autre côté effectivement la matraque avec la question de la répression, quoi. Donc on est en train de faire rentrer tout un secteur dans le giron à la fois effectivement économique privé et puis en train de le faire taire, quoi. Et donc la situation là-dessus elle est vraiment alarmante, et donc il y a vraiment besoin d'un sursaut en fait du monde associatif face à ces tendances-là, même si voilà, c'est compliqué. En fait, c'est le talon de fer du marché qui s'abat sur les associations, quoi, si on peut résumer. Voilà, exactement. Et puis avec de l'autre côté l'État, mais un État qui joue pas du tout son rôle de mise en avant démocratique, mais qui joue son rôle la main droite de l'État en fait, qui vient s'appliquer sur les associations en les enterre, quoi. Donc on a l'entrée du marché dans ce monde associatif, toujours plus importante parce que ça date pas d'aujourd'hui. Et puis effectivement, la main droite de l'État répressive qui vient mettre au pas. Donc là, on est sur un secteur qui est en grand danger en ce moment. On peut parler aussi, il me semble que c'est assez pertinent, le financement par projet qui crée une grande instabilité pour les associations. Où en fait, on propose pour certaines délégations de services publics ou pour certaines tâches que les associations font pour les collectivités, on ne va plus être sur un budget reconduit, mais sur vous avez fait tel projet, vous avez postulé à telle ou telle offre. Et donc là, pour ce moment-là, pour ponctuellement ce sujet-là, on va vous financer, mais il faudra vous battre et repostuler plus tard pour autre chose. On a ces mécanismes-là aussi. Oui, bien sûr. Et donc on n'a plus de financement en fait structurel de fonctionnement, de roulement des associations, mais on leur demande en permanence effectivement de répondre à des appels à projets qui cadrent en fait la manière dont l'argent public est donné au monde associatif et qui oblige les associations à transformer même des fois des modalités pratiques d'action dont on sait qu'elles sont efficaces, quoi, qui ont été montrées, mais on est obligé de tordre l'action pour rentrer dans les nouveaux projets sans cesse réactualisés en fait des collectivités locales. Et là-dessus, effectivement, c'est un travail. Alors, en plus d'un travail administratif qui est très très très coûteux pour les associations, de faire toutes ces demandes, de remplir toutes ces demandes de manière annuelle, et qui voilà. Et donc il y a vraiment cette question aussi de la généralisation des conventions pluriannuelles, parce que les associations sont des fois où il y a des, on est obligé d'embaucher des personnes à part entière pour faire tout ce travail de administratif, de réponse aux appels à projets pour pouvoir trouver l'argent. Et donc voilà, c'est quelque chose qui se mord la queue, où le travail administratif est tellement important qu'on embauche des gens, non pas pour mener le travail et les objectifs de l'association, mais pour pouvoir toucher l'argent pour lui permettre de les mettre en place, quoi. Donc, ouais. Dans ce contexte de budget, on voulait parler rapidement du contexte des radios libres et des radios associatives. Vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que vous écoutez une radio libre et associative. Et ces radios libres et associatives sont financées, entre autres, par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. Et dans le projet de loi de finances tel qu'il est prévu, tel qu'il a été poussé par le gouvernement, on a un rabotage qui baisse une enveloppe qui était de 35 millions d'euros l'an dernier à 19 millions d'euros, soit une baisse de 44%. Donc c'est vraiment une attaque frontale sur les radios associatives. On parle de plus de la moitié d'entre elles qui pourraient disparaître et 80% des emplois du secteur qui seraient menacés. Donc on parle de 770 radios locales avec 2400 emplois directs qui sont directement dans les radios associatives. Et pour ces radios libres, le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, représente en moyenne 40% des ressources de la radio. Donc on a la Fédération des radios associatives du Nord de France qui a tenu récemment un séminaire en prévision d'actions contestataires et qui a commencé à alerter les élus. Et Radio Campus a alerté par courrier le maire de Villeneuve-d'Ascq et les députés régionaux. Donc il y a encore beaucoup de flou et beaucoup de choses qui vont évoluer sur le budget tel qu'il est présenté au niveau national et ça peut encore aller dans beaucoup de directions, mais les associations commencent à se mobiliser parce que on voit le mur arriver et même ici à Radio Campus, le risque est assez important. Oui. Donc moi je voulais demander par rapport à toutes ces questions de financement par impact social ou par logique de projet, etc., quelles sont les réactions du milieu associatif, en fait ? Les réactions, elles sont mitigées. Il y a des associations comme le collectif des associations, en fait, qui sont montées il y a une dizaine d'années, en 2020, il y a une quinzaine d'années, en 2010, justement sur cette question-là. Sur cette question de la marchandisation du travail associatif de plus en plus impactante. Donc il y a des initiatives qui se mettent en place et qui existent, mais après on n'est pas à la hauteur en fait de la transformation qui a eu lieu ces dernières années. Et donc là aujourd'hui sur des questions plus largement, c'est tout l'enjeu. C'est à quel point les associations arrivent à se transformer en acteurs politiques nationaux et pour pouvoir mettre en place des rapports de force avec les pouvoirs publics, essayer d'imposer un peu d'autres manières de faire en fait dans leur lien avec l'État notamment. Et donc là, mais à ce titre-là, je pense que les choses sont un peu en train de changer ces dernières années. La manifestation du 11 octobre, là, c'est ce qu'elle a montré aussi. C'est quelque chose qui, à mon sens, n'aurait pas été envisageable il y a quelques années encore. Mais oui, moi, c'est, je veux dire, alors le mouvement syndical est en baisse de régime depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Mais il faudrait que les associations arrivent à s'organiser pour être à ce niveau-là, en fait, de rapport de force aussi avec l'État, de discussion, de reconnaissance, en fait, de leur travail. Et aujourd'hui, on en est encore loin, mais c'est quelque chose qui est en train de se construire. Mais justement, quand on parle des résistances, tu as parlé du CAC, du collectif des associations citoyennes, qui est quand même assez connu pour avoir fait des mobilisations il y a quelques années. On parle aussi de l'Observatoire national du droit à la ville. Tu peux nous en parler de ça ? Enfin, est-ce s'il existe des collectifs justement de résistance contre les menaces qui pèsent sur le mouvement associatif ? Nous, d'une certaine manière, au sein de l'Observatoire des libertés associatives, alors avec nos moyens à nous, mais c'était effectivement un enjeu, c'est-à-dire de pouvoir outiller avec la question des sciences sociales, avec des rapports, avec des écrits, avec une forme de plaidoyer, de pouvoir outiller les associations pour les rendre plus forts, quoi, et pour alerter en fait sur certaines dérives. Voilà, après le mouvement associatif aujourd'hui mène un travail en tout cas très clair sur ces questions de baisse de subventions et de positionnement sur la question des libertés associatives. Moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'alliances et on a besoin d'unité un peu dans le monde associatif pour pouvoir effectivement parler de manière plus forte et être un acteur plus visible et organisé en fait vis-à-vis des pouvoirs publics, quoi. Et sur la question spécifique des centres sociaux, par exemple, bon, qui sont quand même indispensables au lien social, disons à la citoyenneté, bon, c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'assister à une guérilla contre les centres sociaux, là. Bah ouais, tout à fait. Et ça, la Fédération des centres sociaux, elle en est consciente. Et il y a des choses qui sont en train d'être mises là-dessus. Mais effectivement, les centres sociaux, c'est peut-être les structures les plus directement impactées. Et donc, tant les centres sociaux dans les quartiers populaires des grandes villes que les centres sociaux dans le rural, dans le pays périurbain, qui occupent des fonctions qui sont en réalité essentielles. Et les centres sociaux sont vraiment au cœur de la tension dont on parle là depuis tout à l'heure, quoi, entre la matraque et la marchandise. C'est-à-dire qu'effectivement, ils supportent très directement le poids des transformations, des modes de subventionnement en fait du monde associatif. Et de l'autre côté, ça, c'est des acteurs centraux en réalité de la vie démocratique locale ils ont été très durement touchés à plein de niveaux ces dernières années. On se souvient de l'enquête qu'avait lancée Sarah El Haïry suite à une organisation d'un débat avec des jeunes à Poitiers il y a quelques années où elle avait forcé tout le monde à chanter la Marseillaise main sur le cœur et voilà dans un geste un peu déplacé à ce moment-là dans cette journée-là à Poitiers et que les paroles des jeunes à laquelle elle avait assisté lui avait pas du tout plu sur la question de la République, de la laïcité et du travail de la police, et qu'elle avait déclenché en fait un contrôle sur la Fédération des centres sociaux. Donc ça, voilà, une répression très directe due au travail qu'ils avaient mis en place. Et après, il y a énormément de centres sociaux qui ferment. Celui de Tourcoing, on se rappelle, il y a quelques années, le Virolois, où Darmanin coupe les subventions du centre social au prétexte qu'il y aurait trop de femmes voilées. C'est en fait ce qui a été dit aux salariés. Donc, bref, des exemples comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Et les centres sociaux sont évidemment un peu au centre de toutes les questions dont on parle depuis tout à l'heure. Et les centres sociaux, comme les comités de quartier, enfin, qui ne sont pas des associations, mais c'est quand même des remparts contre l'extrême droite, quelque part. Exactement. Tous ces collectifs-là qui jouent un rôle démocratique fondamental sont très fortement touchés. Et pardon, est-ce que vous sentez dans le mouvement des associations du 11 octobre qu'on va au-delà des associations militantes? Est-ce qu'on a eu aussi des clubs de tricot, des gens du milieu associatif dans des pratiques moins engagées politiquement qui étaient aussi présentes et qui faisaient part aussi de leurs difficultés? Oui, il y a eu de ça, un élargissement de la base en fait des associations qui sont impactées. Après, on avait quand même beaucoup plus d'associations représentées qui étaient des associations employeuses, c'est-à-dire qui ont des salariés, qui on voit parfois même beaucoup de salariés en réalité, parce que c'est elles les plus directement impactées dans le sens où les situations sont graves, quoi. Des baisses de subventions, ça veut dire des licenciements effectifs, et donc là on est quasiment dans le cadre d'une mobilisation contre un plan social, en réalité. Alors, un plan social décidé par l'État, mis en place via le blocage des subventions. Mais donc, voilà. Donc, il y a plus de représentation quand même d'associations employeuses. Mais effectivement, on a l'impression que la base s'élargit et que les gens se rendent compte, en fait, du travail qui est fait et de l'impact, en fait, de ces mesures sur les associations. Bon, Oui, merci. On arrête l'interview ici. Donc, merci Antonio Delfini. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue et chercheur associé au CERAPS de l'Université de Lille et que vous avez contribué à des ouvrages comme Sociologie de Libre, Sociologie de Lille aux éditions de La Découverte et Contre Lille aux éditions des ÉTAC. Maison d'édition locale que je vous recommande. Donc voilà, bah merci et merci à vous. Je peux dire un dernier mot? Oui, allez-y. Ouais. Là, on a fait un état des lieux du constat en fait, qui peut être un peu triste en fait, ce constat un peu dur à entendre. Mais il y a aussi plein d'initiatives en fait qui se mettent en place face à ça. L'Observatoire propose effectivement des outils d'accompagnement pour les associations qui sont attaquées. Il y a des propositions qui vont se mettre en place dans le cadre des élections municipales notamment. Et il y a l'ambition de pouvoir faire entendre les associations de manière plus large dans le cadre des présidentielles de 2027. Donc voilà, ne pas en rester juste au pessimisme du constat, mais voir qu'il y a des choses qui se mettent en place et ne pas hésiter à rejoindre les associations locales pour faire entendre la voix des assos au niveau de l'agglomération lilloise, du Nord, et puis après plus largement au niveau national. C'est un combat, tu fais bien de le rappeler, merci. Merci. Ouais. Merci en tout cas pour l'invitation, merci. Au revoir. Vive les technologies, on surfe sur le net, on croit vivre sans vie, on s'offre la planète. Mais seul face à la vie, face à ses fantaisies, l'homme est bien démuni, pour peu il est puni. Juillet, comme un parfum de liberté, une loi, dit-on, est proclamée, l'association enfin est née. Pour ces valeurs chères à nos cœurs, égalité, fraternité, n'oublions pas de préserver ce parfum-là de liberté. Et donc, c'était Tous Ensemble, c'est Hymne au monde associatif. Et on va passer aux actualités d'Attaque. Et au niveau national, on entend parler d'attaques à l'Assemblée nationale. Effectivement, le 28 octobre, il y a la taxation unitaire des multinationales qui a été proposée par ATTAC et qui a fait l'objet d'un amendement voté à l'Assemblée nationale. Donc, les députés ont très largement approuvé, contre l'avis du gouvernement, un amendement visant à taxer les bénéfices des multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France. En son temps, c'est en 2019. À l'époque, le taux d'imposition sur les sociétés était encore à 33%. Que paraît sur le site d'ATTAC la méthodologie de la taxation unitaire pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales, notamment si on parle des GAFAM, on parle de BNP Paribas, de Bayer Monsanto. Pour détailler un petit peu, l'idée c'est que les entreprises localisent leurs bénéfices dans d'autres pays que la France sur des activités qu'elles font en France pour cacher ces bénéfices et qu'ils ne soient pas soumis à l'impôt. Et l'idée c'est de dire que si l'entreprise au niveau international dit que la France représente 8% de son chiffre d'affaires, eh bien, on peut vérifier que ces 8% correspondent bien à l'argent qui a été déclaré en France. C'est très simplifié, mais c'est l'idée. La lettre des comités locaux, donc c'est une publication d'ATTAC qui paraît environ tous les deux mois. Donc on va s'attarder sur la dernière, celle de novembre 2025. Donc une nouvelle présentation plutôt agréable avec des photos, des bandes dessinées, des caricatures. La lettre fait état de l'activité et des actions des comités locaux. Donc 11 comités locaux ont participé. Gaza est très présente avec un CL, un comité local qui épingle la BNP, des stands dans la rue avec d'autres associations, la finance et l'environnement. Pour notre part, c'est l'hommage aux morts du travail avec l'association pour les morts au travail, justement, du 1er mai, devant la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Île-Douai. Était présent, donc, Lawaria Hadouche, la suppléante du candidat LFI, enfin, Aurélien Lecoq. Il y avait aussi Hugo Bernalicis et le député européen Anthony Smith, un inspecteur du travail qui est très actif sur les questions de souffrance au travail et de décès au travail. Il y avait aussi la CGT, FO, la LDH et ATTAC. Je me permets de rappeler que cette lettre elle est téléchargeable sur le site d'ATTAC Lille, donc d'accord. Vous pouvez aller la consulter sur le site. Ensuite, des films ne passeront pas dans les cinémas Bolloré. Alors, il manquait un dernier domaine culturel sur lequel Bolloré n'avait pas une emprise totale. Là, c'est en passe de l'aide, donc le milliardaire catholique d'extrême droite, est-ce qu'on a le droit de le dire ? Donc on s'explique, le film Hors Service, sorti le 8 octobre, malgré des critiques particulièrement favorables, n'a pas trouvé preneur dans les salles commerciales de Lille, donc, qui sont du groupe UGC, le groupe en train d'être racheté par Vincent Bolloré, enfin par Canal+, en fait. Donc sans trouver de salle commerciale preneuse, le film a pourtant été promu par Le Monde, Les Cahiers du Cinéma, Attaque et Nos Services Publics, et ce mois-ci par Le Monde diplomatique. La distribution du film a fini par se tourner vers le régional de ses soutiens, ATTAC Lille, pour faire la promotion de l'avant-première du film. Donc mobilisation immédiate des 3CL, de la FSU, nos services publics locaux, les syndicats sont alertés. Un travail militant inhabituel mais effectué volontiers quand il s'agit d'un film sur les démissionnaires de la fonction publique qui ont été déçus, et le mot est assez faible, de la perte de leur qualité de travail. Pour l'instant, on n'a pas de solution lilloise sauf à Méliès fin janvier. Est-ce qu'on peut parler de barrage au film pas pareil ? Est-ce que c'est cela qu'on peut comprendre des films, enfin, du cinéma vu par Bolloré ? Le mot est peut-être un peu fort. On garde notre avis pour vous, pour nous. Nous ferons tout ce qu'il faut ou tout ce qu'on peut pour que ce film qui mérite d'être vu en salle soit vu en salle et commenté par le plus grand nombre. Le 27 novembre 2025, manifestation à Paris pour la nationalisation d'ArcelorMittal. Ataflandre est évidemment mobilisé contre ce scandale. ArcelorMittal prévoit environ 600 suppressions de postes dans le nord de la France, dont 177 à Dunkerque. Une annonce choc pour le syndicat qui redoute un effondrement industriel dans la région. Face à la crise de l'acier en Europe, le géant du secteur invoque la nécessité d'une réorganisation pour rester compétitif, alors qu'il a touché des subventions colossales ces dernières années. Alors, on va parler maintenant de l'Alliance écologique et sociale. Donc, le 27 et 28 novembre 2025, ce sont les rencontres de l'Alliance écologique et sociale. C'est tous les ans, c'est généralement dans le local parisien de la FSU. Donc, la deuxième édition sera l'occasion d'avancer sur les campagnes nationales pour la défense des lignes SNCF vitales pour le frais ferroviaire et pour la rénovation du bâti scolaire, mais également de travailler à partir des thématiques et des luttes menées par les AES locaux. Alors pour développer l'Alliance écologique et sociale à 6 ans déjà, notre but c'était de gagner sur des propositions fortes de rupture pour la justice sociale et environnementale. L'Alliance écologique et sociale est pilotée par 7 organisations, les Amis de la Terre, ATTAC, la Confédération paysanne, la FSU, Greenpeace, Oxfam et Solidaires. Des rencontres pour mieux se connaître, échanger sur nos pratiques, se former, mais aussi faire connaître nos campagnes, nos actions, nos victoires, et de construire ensemble nos projets sur la base de bon, fin de mois, fin du monde, réconcilier l'écologie et le social. Ensuite, Municipal 2026, un outil pour les citoyens, la plateforme MairieMe. Donc on parle d'un atelier proposé par l'espace de travail Alternative, lancé par le collectif pour une transition citoyenne, et plus de 60 partenaires majeurs, dont ATTAC, Oxfam, Alternativa, le Mouvement Colibri, France Nature Environnement, Enercop, les Artisans du Monde. Donc MairieMe, donc mairie comme votre bâtiment public et service public, et mi comme moi en anglais, c'est une plateforme numérique simple, indépendante et apartisane, qui permettra à chaque Français d'exprimer ses priorités locales à l'approche des élections municipales. Cette plateforme, alimentée par les citoyens et citoyennes, à l'aide de fiches techniques disponibles, sera consultable par les listes candidates qui pourront intégrer les propositions des habitants dans leur prise de décision, ce afin d'aboutir à des politiques locales justes, soutenables et démocratiques. Et à contrario, on pourra se saisir de projets sur MairieMe pour contester les projets droitiers de nos mairies pour dire mais en fait une alternative est possible. On termine avec une information locale. Le 28 octobre, ATTAC Flandre, donc, il y a eu un grand succès contre les projets extrême droite de Jean-Yves Sterrin. Donc, c'est le projet Imagiparc financé par l'extrême droite qui a été abandonné, remplacé par un autre projet plus petit et, soyons sûrs, pas financé par la sphère de ce sulfureux financeur. Le projet est porté par le groupe de loisirs Adrena. C'est là que coïncide pour les signataires de cette lettre. Les associations ATTAC Flandre, Mouvement pour la Paix, MRAP Dunkerque, mais aussi différentes parties de gauche et écologistes. Donc c'est un projet de loisir, mais qui sera très différent du projet initialement considéré. À mettre à l'agenda aussi, donc une info le mardi 18 novembre, donc devant le rectorat de Lille, Rassemblement pour la liberté académique en raison du refus par la direction du Collège de France d'accueillir le colloque « La Palestine et l'Europe ». Ce colloque a quand même eu lieu dans une salle parisienne et ça valait vraiment le coup de l'écouter. C'était un colloque où était invité un éminent universitaire spécialiste du Moyen-Orient qui s'appelle Henri Laurens. Alors l'alerte contre la tenue du colloque a été lancée par Le Point, donc un hebdomadaire qu'on affectionne tout particulièrement, et reçue favorablement par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et une deuxième information que nous a livrée Christian, notre maître à tous, qui est malheureusement absent aujourd'hui, c'était sur un débat public organisé par les Amis du Monde Diplomatique. Donc ça a lieu le 18 novembre à 18h à Sciences Po dans le cadre de Cité Philo. Donc ça sera Laureline Fontaine qui sera invitée pour parler notamment de la Constitution. Oui, bon, puisqu'on a le temps, je vais vous donner d'autres rendez-vous. Si vous êtes du côté de Lens, au Toit Commun, 15 rue René Lannoy, donc il y a un arpentage cet après-midi à 14h sur l'intelligence artificielle, donc avec CLIS 21, une association autour du numérique. Et donc il vous propose de lire ensemble des textes d'actualité et après le partager pour vous approprier collectivement ce sujet. Et également au Toit Commun, mardi 18 novembre à 18h30, il y a un ciné-débat avec le film L'Histoire de Soleiman, donc sur un sans-papier qui est obligé de faire de travailler avec Uber Eats ou Deliveroo, je ne sais plus très bien. pour pouvoir survivre et puis faire avancer son dossier de demande d'asile. Et enfin, à la Maison des associations de Lille, 27 rue Jean Bart, il y a le vendredi 21 novembre 2025 à 14h, un atelier « Et toi, c'est quoi pour toi le travail ?» Donc c'est l'après-midi, le 21 novembre, entre 14h et 17h. Donc vous avez bien compris tout ce qui est autour de la thématique du travail. Vous avez quelque chose à rajouter ou... Il y aura bien une émission Angle d'attaque le 29 novembre, samedi 29 novembre de midi à 13h, mais le sujet n'est pas encore, encore décidé. Ok, très bien. Donc on vous retrouve fin novembre. Et voilà, donc aujourd'hui on a encore fait avec réussite notre interview grâce au logiciel libre Jitsi et le réseau de l'université Renater qui nous donne accès à ce logiciel. Et voilà. Donc on vous souhaite un bon week-end et à bientôt. All that you do and everything you say, all that you eat and everyone you meet, all that you slight and everyone you fight. Thank you. you believe me. Whisper that you love me, 'cause I'm in love.